Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de ce journal et de voici les grands titres. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la radio, les radios burundaises font face au manque de moyens financiers. Et les femmes de la province de Bubanza ayant les associations d'épargne et de crédit non enregistrées à la Banque de la République du Burundi demandent à cette institution de surseoir la mesure de leur suspension. Et la chronique sport de ce lundi parle du rôle de football dans la consolidation de la paix. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour. La canalisation qui sépare le quartier Charama et le quartier Gatungu au nord de la capitale économique de Bujumbura est menacée d'écroulement. Les habitants de la localité estiment que la dite canalisation n'est plus à mesure de contenir les eaux des pluies diluviennes. Il y plaide pour la réhabilitation de cette canalisation, combien si importante pour la sécurisation des habitants de Charama. Jean de Dieu Irakoze vient du terrain. Alors, Vestine, c'est une canalisation mesurant environ 1,5 m de long sur environ 3 m de large qui sépare le quartier Charama du quartier Gatunguru. Comme nous l'avons constaté, il est menacé par les eaux de pluie. Une partie non moins importante est déjà endommagée. Certains parmi la population de cette localité estiment que la dite canalisation n'est plus à mesure de contenir ces eaux, raison pour laquelle elle touche les habitations et routes qui se trouvent dans le quartier Charama. Comme il l'affirme en outre, cette canalisation contribuait à la sécurité des biens des personnes se trouvant dans le quartier Charama. Il demande qu'elle soit réhabilitée et qu'une partie des eaux de pluie qui passent par cette localité soit canalisée vers une autre destination pour la sécurisation des routes et des habitants de ce quartier Charama. Merci Jean de Dieu Irakoze pour toutes ces précisions. Il était au studio. Et l'Assemblée nationale est en train de reviser la loi 2005 portant à l'organisation et de la compétence judiciaire ce lundi. Celle-ci vise la responsabilisation du juge et le rendre redevable envers les peuples dont il sert. Ce projet de loi propose l'instauration du juge unique dans certaines matières. Selon la ministre de la Justice, Dominique Banyangimbona, qui est l'invité du jour, précise que cette révision permettra au magistrat en charge du dossier d'assumer et de prendre ses responsabilités dans la prise des décisions conformément à la loi. Et le système de juge unique va aider en toute célérité le flux des dossiers en souffrance. Et les grandes réformes de l'organisation et de la compétence judiciaire opérées en 1987 et en 2005 n'ont pas atteint tous les objectifs escomptés, raison pour laquelle il faudra des modifications. Les femmes de la province de Bubanza se posent beaucoup de questions sur la suspension des associations d'épargne et crédit non reconnues à la Banque de la République du Burundi, pourtant implantées sur toutes les collines. Elles témoignent que leurs conditions de vie s'améliorent grâce aux petits crédits tirés de ces associations. Au cas où ces dernières seraient supprimées, il y aurait des problèmes de liquidation des crédits contractés. Cette population demande aux autorités habilitées de surseoir cette mesure. Les détails avec Spes Caritas Cavagnano. C'est de la confusion totale chez les habitants de cette province de Bubanza, surtout les femmes, qui disent ne pas comprendre comment la Banque de la République du Burundi pourrait prendre la mesure d'arrêter les activités des associations d'épargne et de crédit, appelées aussi Ikirimba, parce qu'elles ne sont pas reconnues à la BRB. Une femme rencontrée à Moussegni, en commune Manda, s'inquiète et explique qu'elle avait contracté dans son association un crédit qu'elle compte rembourser à la fin de l'année. Elle craint d'être contrainte à payer avant les délais convenus et demande aux autorités de revenir sur cette mesure et de laisser ces associations continuer à travailler comme avant. D'autres personnes contactées nous ont précisé qu'elles ont aussi besoin de formation afin de connaître comment organiser une association conformément à la loi. Spes Caritas Kawanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Continuons le journal. Un corps d'un homme du nom de Jean Nionis Guillé, retraité de la police, a été découvert le matin de ce lundi dans la rivière Mungaro sur la colline natale Mugozi. C'est en commune de province de Bururi. Selon les sources policières administratives, cet homme a été tué par des inconnus à l'aide des machettes la nuit de ce dimanche à son retour du centre Bururi. Il se réfère aux blessures qui s'observaient au niveau de la tête. Toutefois, Les auteurs de ce crime restent inconnus. Ces autorités assurent que les enquêtes relatives sont en cours. Et l'emprisonnement à vie et une amende de dédommagement de 20 millions de francs burundais est la peine prononcée par le tribunal de grande instance Kirundo. C'est à l'endroit d'un homme d'une vingtaine d'années du nom de Miburundu Ayezu. C'était lors d'un procès de flagrance de ce dimanche. Ce dernier est accusé du viol et d'assassinat d'une fille, Nsengimana Renate, de 15 ans, décédée le 5 février de cette année. Abraham Safari. Dans un procès de flagrance de ce dimanche 12 février 2023, dans l'après-midi, le substitut du procureur de la République en province de Kirundo a requis par une peine d'emprisonnement à vie pour deux personnes, à savoir Miburundu Ayezu, surnommé Motar, ainsi Kabashira Jean de Dieu de la colline Kivumu, commune de Vumbi, province de Kirundo. Ces derniers sont accusés d'avoir commis dans la journée du 5 février 2023 un acte de viol et d'assassinat à l'endroit d'une fille de 15 ans du nom de Sengium va Renate. Selon les informations en provenance de cette localité où s'est déroulé le crime, la victime a été violée après avoir été surprise chez elle, là où elle habitait avec sa grand-mère. Cette dernière, absente à la maison, elle a par la suite trouvé la fille à peu près à 100 mètres du domicile, déjà violée et tuée. Le lendemain, deux personnes déjà citées ont été appréhendées pour des raisons d'enquête. C'est alors dans cette flagrance de ce dimanche qu'après avoir reçu les plaintes du ministère public, que les juges du tribunal de grande instance de Kirundo ont mis en délibéré le procès. Après sa mise en délibéré, le tribunal a prononcé un jugement dont la sanction d'une peine d'emprisonnement à perpétuité à l'endroit de Miburundu Ayezu, surnommé Motar, et une amende de dédommagement de 20 millions de nos francs à la famille de la victime. Quant à Sekabashira Jean de Dieu, les juges du tribunal de grande instance de Kirundo l'ont acquitté. Ici, vous saurez que tous les deux ont catégoriquement nié l'acte devant les juges. Ndoyezu Miburu a d'ailleurs expliqué au juge qu'il est surpris car le jour de son appréhension, on lui avait dit qu'il est poursuivi par un acte de vol. Mais selon le substitut du procureur, ce dernier aurait dit qu'il va faire du mal à la jeune fille pour l'avoir accusée de vol des lapins qu'il aurait perpétrés chez elle. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le sport de football joue un grand rôle dans le processus de la consolidation de la paix au cours de la recherche menée par Célestin Vutsebanga, professeur à l'Université du Burundi. Les joueurs burundais des différents championnats proviennent des différentes ethnies. Il explique que cela entraîne la victoire de leurs équipes. Les détails de cette chronique sport avec Jean-Marie Vianney Gendakoumana. Le football joue un grand rôle dans la réconciliation et la cohésion sociale. Des amateurs et joueurs issus de différentes appartenances ethniques se rencontrent à un cercle lié. C'est l'explication de Célestin Vusebanga, professeur à l'Université du Burundi, au cours de la recherche menée sur la place du football dans le processus de la réconciliation. Mes recherches en faveur ou en fonction même de la réconciliation, cohésion sociale du football, ont montré que les résultats sont satisfaisants du rôle du football dans la réconciliation, cohésion sociale entre les différentes ethnies au Burundi. Avec la présence de toutes les ethnies dans les équipes, ou les joueurs, ou les fans, ou tout ce qui sont dans le mouvement sportif, sont tous unis derrière le football, derrière le ballon rond. Selon sa recherche, les ethnies sont mises à l'écart car des tirs, l'unification prime. Cela est démontré à travers les résultats où les acteurs du football montrent et se sentent vraiment unis à travers les équipes de football. Et d'ailleurs, d'après mes résultats, j'ai trouvé que toutes les équipes sont mixtes, c'est-à-dire que toutes les équipes, il y a la présence de toutes les ethnies. Donc je parle de deux grandes ethnies, Hutu et Tutsi. Des résultats de la recherche de ce professeur de l'Université du Burundi, les joueurs et les amateurs du ballon rond de différentes ethnies, tous sont connectés au football sans penser à l'ethnisme. Les résultats aussi ont montré que les acteurs de football, toutes les ethnies confondues, montrent qu'ils se sentent réconciliés, ils se sentent unis et connectés au football ou au sport plutôt que de se connecter à leur ethnie. Dans la prochaine chronique sportive, professeur Célestin Vutsebanga expliquera comment le football est utilisé comme outil dans la réconciliation et la cohésion sociale après la guerre qu'a connue le Burundi. Merci Jean-Marie. Vianney Ndakouma, le manque de financement est l'un des défis dont fait face les médias, surtout privés, mettant sur le territoire national. Analyse de Moïse Gawungu, expert et formateur des journalistes. Il le dit au moment où, ce 13 février 2023, est une journée mondiale de la radio. Moïse Gawungu demande aux autorités publiques de ne pas refuser l'information aux médias et aux responsables et d'élaborer des stratégies qui poussent à générer des financements pour que leur radio puisse continuer à émettre. Suivez-les au micro de Évariste Nzikobanyang. Donc à ce niveau, on est sur une bonne piste, mais il y a des défis. Le premier défi, à mon avis, c'est le défi des moyens. Si la radio existe, si la radio a sa vocation, mais qu'elle ne parvient pas à trouver la population locale pour enregistrer les doléances, l'expression, étant entendu que l'information bien traitée constitue le moyen, la source, la population qui écoute une information traitée se fait une idée et prend ses décisions. C'est ça l'objectif de l'information de manière générale. Maintenant, si l'information est quadrillée au niveau des centres-villes, par défaut de trouver des moyens, c'est un problème. Et maintenant, est-ce qu'on peut trouver des moyens? C'est possible. Il faut trouver des initiatives de monter des projets communs, par exemple, des projets d'envergure qui peuvent toucher la région, la sous-région, l'East African Community, par exemple. Ça, c'est une question de leadership, de penser à des projets gros et grand, en attendant que le fond des médias existe, ce qui peut tarder à venir, mais les médias peuvent déjà penser à cela. Deuxième défi, c'est le défi de la maturation, de la professionnalisation. J'estime qu'il y avait un niveau de la presse du Burundi, un niveau qui ne marquait pas de défi, parce que avant 2015, on avait une presse libre, mais qui tendait également à être trop libre, qui donc c'était, ça concernait les informations, les gens étaient à l'aise. Maintenant, j'estime, au regard d'une certaine mission que je suis en train de faire, de coaching avec certaines radios, j'estime qu'il y a une baisse sensible du niveau de prestation des journalistes au niveau local. La journée a été instituée effectivement pour rappeler à chacun son rôle. L'autorité publique a l'obligation, au nom de la redevabilité, de disponibiliser l'information. Le journaliste ira à la quête de l'information vers l'autorité publique. Il ne faudrait pas que l'autorité administrative pense que l'information, c'est à elle. Et il ne faudrait pas voir le journaliste comme un ennemi qui vient le faire éjecter de sa chaise. Non, il y a cette complémentarité qui doit être conçue, comprise comme un impératif au nom et à la faveur de l'information dont la population a besoin pour se faire une idée et de justes opinions sur sa vie. Moïse Gawungu est l'expert et formateur des journalistes en fonction. Et terminons ce journal par cette actualité internationale où en République démocratique du Congo, 3200 cas de choléra ont été recensés en janvier 2023, dont les trois quarts parmi le demi-million de personnes déplacées du Nord Kivu. Et selon le site de la Radio France Internationale, c'est le docteur Placide Wello Kotiamba estime que la situation est en train de se stabiliser. Ce directeur du programme d'élimination du choléra au ministère congolais de la Santé pointe un manque de moyens, notamment dans l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir. Actualité régionale. Salut et santé. Bienvenue dans cette revue régionale. Le conseil de coopération régionale de Masaka suspendu pour avoir autorisé l'expédition d'Orokatun, écrit au journal The Independent de l'Ouganda. Selon ce journal, Ronald Katende Kinene, le commissaire résident de la ville de Masaka, est suspendu pour avoir donné son accord à l'exécution d'une ordonnance judiciaire controversée qui a expulsé deux familles, le ministre d'État chargé de Kampala et des affaires métropolitaines, Kabuye Chofatogabye, a annoncé la suspension avec le premier ministre, Robina Nabanja et la ministre des Terres et du Logement, Judith Nabakooba, lors de leur visite sur les terres contestées dimanche soir. Le 27 janvier 2023, des justiciens de justice ont expulsé les familles d'Aïcha Nakanwagi et de Rike Rukoma de leur terre après avoir perdu un procès contre les hommes d'affaires de Issi Kaketo et Francis Mbuga, avec qui ils se quereraient depuis 2019. Selon Kofato Gabie, le commissaire n'a pas utilisé son mandat lorsqu'il a autorisé l'exécution d'un ordre d'expulsion controversé contre des victimes âgées vulnérables qui, selon lui, méritaient la protection de l'État. Il a fait valoir que les victimes n'avaient même pas eu du temps pour faire appel de la décision du tribunal et s'est demandé comment Kinene avait accepté l'expulsion deux jours après la publication de l'ordonnance du tribunal. Actualité régionale. La crise de l'extrémisme en Afrique imputée à la pauvreté alimentée par l'idéologie, écrit le journal The East African. Ce quotidien rapporte que la montée de l'extrémisme violent en Afrique est principalement alimentée par la pauvreté et la marginalisation, sémant des graines mortelles qui seront arrosées par l'influence religieuse, selon The East African. Un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement a suggéré que l'extrémisme violent attire principalement les jeunes pauvres sans instruction et les communautés isolées du reste du monde grâce à des infrastructures sous-développé. La société civile de Kibombo dénonce l'arrestation arbitraire de quelques enseignants par auditorat militaire. Selon le site de la radio Okapi, la société civile dénommée Force Vive, antenne de Kibombo dans la province de Maniema, dénonce les tracasseries et arrestations arbitraires perpétrées par des soldats de l'auditorat militaire sur les populations civiles. François Tambwe, le président de Force Vive, rapporte la récente arrestation des enseignants de l'école primaire Marco et le préfet de l'Institut Mabila dans la commune de Kibombo. D'après lui, ces enseignants sont en détention dans le domicile du plaignant. François Tambwe déplore cette situation et sollicite l'implication des autorités dans ce dossier. La radio Okapi n'a pas réussi à joindre l'auditeur supérieur pour sa réaction. Le journal Mwananchi de la Tanzanie écrit sur 11 enfants du district de Handeni, province Tanga, qui survivent à mort après avoir mangé des fruits prétendument toxiques. Confirmant la survenance de l'incident, le médecin de garde de service pédiatrique de l'hôpital municipal de Handen, Stephen Julius, a déclaré qu'il est vrai qu'ils ont reçu 11 enfants malades. Après examen, ajoute-t-il, ils ont constaté que les enfants avaient mangé des fruits vénéneux. Dans les colonnes de Mwananchi, Stephen a déclaré que jusqu'au matin, les 11 enfants allaient bien et ont été autorisés à rentrer chez eux dans l'après-midi, après avoir constaté que leur progrès était bon. C'est parti que prend fait cette revue de presse régionale. Elle vous a été présentée par Félix Ndaïchimie et Omer Ndouayo. À la prochaine. Actualité régionale.